comme tous les mardis, nous allons parler de planète, de notre planète. Jamais l'atmosphère terrestre n'a contenu autant de dioxyde de carbone depuis plus de 3 millions d'années. C'est le constat sans appel dressé au mois d'octobre. Et pourtant, le CO2 constitue une partie infime de notre atmosphère, moins de 0,05%. Comment une si faible concentration peut-elle avoir de telles répercussions? Il faut dire qu'étudier l'atmosphère n'est pas chose aisée. C'est un système d'interaction très complexe entre plusieurs couches, certaines que l'on connaît très bien, d'autres qui sont si mal connues qu'on l'appelle ignorosphère. Atmosphère, une enveloppe fragile, c'est le problème que nous allons tâcher de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour de nos connaissances sur notre atmosphère terrestre et ses mécaniques complexes, et pour répondre à des questions vertigineuses ou essentielles comme pourquoi la Terre a-t-elle conservé la sienne et pas Mars? Les hautes couches de l'atmosphère abritent-elles la vie? Sans oublier pourquoi, et oui, pourquoi le ciel est-il donc bleu? Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Huret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physico-chimiste, professeure à l'Université d'Orléans, chercheuse au laboratoire CNRS de physique et chimie de l'environnement et espace à Orléans. Bonjour Jean-Louis Dufresne. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique et de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez suivre l'émission comme chaque jour en direct sur les ondes et sur notre fil Twitter @laméthodefc où quelques auditeurs se posent déjà quelques-unes des questions que je viens de vous soumettre. Peut-être pour commencer, faut-il rappeler que l'atmosphère est un système, comme je le disais, extraordinairement complexe d'interactions physico-chimiques entre plusieurs couches de gaz, la croûte terrestre et l'espace. Quels sont les éléments essentiels ou basiques qui la caractérisent, qui la définissent, Nathalie Huret? Alors, en fait, elle est vraiment définie par une structure de température qui varie en fonction de l'altitude, qui permet de définir ces différentes couches. La première couche, c'est la troposphère, c'est là où on vit. 80% de la masse d'air atmosphérique se retrouve en dessous de 15 km d'altitude. Au-dessus, on va vers des couches un petit peu beaucoup moins denses, la stratosphère avec la couche d'ozone, puis la mésosphère, où là, une partie de la mésosphère, on a l'ionosphère avec une partie plasma, puis la magnétosphère qui nous protège de tout ce qui est émission solaire de particules chargées. Et on va revenir tout à l'heure en détail sur ces différentes strates d'atmosphère pour comprendre ce que l'on en sait et quelles sont les interactions entre elles. On va voir qu'elles sont nombreuses et complexes. Quel est le point commun finalement à toutes ces strates? Est-ce que par exemple on est capable aujourd'hui de définir une limite précise entre ce qui est l'atmosphère terrestre et l'espace? Y a-t-il un petit dénominateur ou le plus petit dénominateur commun pour définir ce que sont toutes ces couches de l'atmosphère? Il n'y a pas de limite claire à l'atmosphère. Hein. C'est-à-dire que la densité de gaz diminue progressivement quand on va vers l'altitude. Et puis, il y a plusieurs façons de définir l'atmosphère. Au bout d'un certain moment, il y a quasiment plus que du vide, donc on appelle ça l'espace. Avant, c'est l'atmosphère et il n'y a pas de frontière très très claire. Alors, les frontières entre les couches, c'est ce comme il vient d'être dit, c'est vraiment le plus voilà la température et ou la composition, mais surtout la température et la pression qui les définissent. Et en bas, c'est là où c'est le plus riche, j'allais dire. Il y a pas mal de gaz, bien sûr, d'azote, d'oxygène, CO2 comme vous l'avez mentionné, beaucoup de vapeur d'eau, puis plein d'autres gaz qui sont bien mélangés dans les premières couches. Et après, au-dessus de 50 km ou autre, ça commence à être moins bien mélangé, disons. Mais les premières couches sont très bien mélangées, à part la vapeur d'eau. On va revenir hein, sur toutes ces couches et leur composition en gaz, en matière organique, en polluants. On va voir que tout ça est largement brassé et interagit, encore une fois, et avec la croûte terrestre et avec l'espace. Qu'est-ce qu'elle a de particulier l'atmosphère terrestre par rapport aux autres planètes telluriques, par exemple? Est-ce qu'on sait comment naît une atmosphère sur une planète, Jean-Louis Dufresne? Oui, alors l'atmosphère, elle naît en même temps que la planète. Hein, et on parle de planète tellurique, hein, les planètes gazeuses, c'est autre chose, et on renverra nos auditeurs aux émissions qu'on a consacrées à Jupiter ou à Saturne, par exemple, parce que ça rend les mécaniques un peu plus complexes. Voilà, donc les telluriques, donc il y a effectivement une partie solide, et puis après il y a une atmosphère qui est au-dessus, alors qui se forme en même temps que la planète elle-même. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est sa composition et la quantité d'atmosphère qui varie en fonction de quoi, qui varie beaucoup en fonction de la gravité hein, de la planète. Il faut que la planète ait une gravité assez forte pour retenir l'atmosphère qui est autour d'elle. La température, hein, plus il fait chaud, plus les particules de gaz ont une énergie cinétique forte. Et donc, du coup, les plus légères, elles ont une vitesse assez forte. Et donc, si la gravité n'est pas assez forte, justement, elles s'échappent vers l'espace. Et quelque chose d'aussi important, c'est le champ magnétique, hein, puisque effectivement, Nathalie parlait tout à l'heure de plasma haut. Plasma, c'est des gaz chargés, et donc autour de la Terre, notamment, grâce au champ magnétique, il y a une protection, disons, qui fait que l'essentiel du vent solaire n'arrache pas le plasma et donc l'atmosphère reste autour de la Terre. C'est-à-dire que c'est ça, hein, c'est un équilibre entre la masse de la planète, sa magnétosphère, comme vient de le dire Jean-Louis Dufresne, et sa température. Est-ce qu'on sait, par exemple, aujourd'hui, on sait que Mars a une atmosphère, mais Mars, qu'on décrit souvent comme la jumelle de la Terre, à peu près en taille, à peu près en distance du Soleil, il y a évidemment quelques ajustements près. Pourquoi est-ce que Mars n'a pas gardé son atmosphère par rapport à la Terre? Est-ce qu'on a des idées là-dessus, Jean-Louis Dufresne ou Nathalie Huret? Oui, je crois que c'est beaucoup la question du champ magnétique qui est pas présent sur Mars alors qu'il est présent sur Terre. Donc ça fait partie des grosses différences, effectivement. Et la formation de l'atmosphère au tout début, on sait par exemple, on a appris il y a peu de temps que la Lune avait eu une atmosphère au moment de sa formation, qu'elle s'est échappée très rapidement, mais qu'elle a eu une atmosphère un peu jaune. L'atmosphère originale a toujours à peu près la même composition, Nathalie Huret, c'est-à-dire que c'est du dioxyde de carbone, du monoxyde d'hydrogène, de l'eau donc, non, et du dioxyde de soufre. Elle a évolué au cours du temps, en particulier au niveau de l'oxygène. Hein. L'oxygène, de mémoire, elle est arrivée sur une échelle de temps il y a, je dirais, 20%. Enfin, c'est assez récent à l'échelle de la planète, hein, l'arrivée de l'oxygène. Mais c'est vrai que cette pondération a évolué dans le temps. Ce que je veux dire, c'est qu'au tout début, les composants sur une planète tellurique, les composants donc, sont les mêmes gaz. C'est-à-dire qu'au début, on a a priori toujours les mêmes trios de dioxyde de carbone, d'hydrogène et de dioxyde de soufre. Voilà, il y a beaucoup d'hydrogène au début. Et d'ailleurs, les planètes géantes restent encore beaucoup d'hydrogène. Et effectivement, après, il y a de l'hydrogène qui part, il y a des transformations, il y a ce qui vient de la roche. Et puis après, il y a toute la chimie organique quand ça vient assez compliqué. Et puis, bon, quand il y a la vie, il y a l'oxygène qui se met en place. Et qui crée l'atmosphère terrestre que l'on connaît aujourd'hui, qui est une atmosphère assez stable pour le coup. Oui, assez stable, mais effectivement, ça a vraiment évolué. Et moi, au cours des milliards d'années de la Terre et des millions d'années, elle est assez stable, disons, depuis. Quelques centaines de millions d'années. Depuis 15, 20 000 ans, elle était particulièrement stable parce que le climat est assez stable. Sinon, elle évolue en fonction du climat, en liaison avec le climat. Hein. C'est un couplet entre le méthane et le CO2 qui varie pas mal en même temps que le climat. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h10, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de l'atmosphère et plus particulièrement de l'atmosphère terrestre tout au long de cette heure en compagnie de Nathalie Huret et de Jean-Louis Dufresne. Alors on va nous intéresser à ce que nous savons précisément de notre atmosphère terrestre. Vous en décriviez les différentes strates ou les différentes couches tout à l'heure, Nathalie Huret. Donc on estime aujourd'hui qu'est-ce qu'on connaît précisément de l'atmosphère? On connaît précisément sa composition, notamment. On connaît précisément, oui, sa composition et aussi les paramètres tels que la température, la pression, le rayonnement également. Ce qu'on connaît moins, enfin, ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est sur ces évolutions. Voilà, actuellement, dans le cadre du changement climatique, il y a encore des couches. Alors, on peut regarder ça aussi au niveau des instruments dont on dispose. Faire des mesures au sol, c'est relativement facile. Il suffit d'instrumenter par des réseaux de mesures pour suivre tous ces paramètres. Quoique sur les océans, il y a peu de mesures. Et quand même, notre planète est recouverte pour la majeure partie d'océan. Aux deux tiers. Après, dès qu'on va monter au-delà de 3000 mètres d'altitude, derrière ça, on aura accès à des mesures uniquement via les avions, via les ballons. Donc, c'est des mesures plus sporadiques. Et puis c'est sûr que depuis ces dernières années, on a les mesures satellites qui nous font des mesures, mais elles sont au-dessus de l'atmosphère. Et elles font des mesures à distance, c'est-à-dire elles sont pas directement dans la couche. Donc on arrive quand même à cerner le problème, mais on a quand même un certain nombre de couches qui sont difficilement accessibles à la mesure. Que sait-on ? On va prendre pour commencer peut-être des mesures générales de la composition de l'atmosphère aujourd'hui, la composition entre les différents gaz, on la connaît à la virgule près, Jean-Louis Dufresne, mais ce sont des compositions moyennes. Ce que je veux dire, c'est que ces compositions en diazote, en dioxygène, etc., les pourcentages que l'on a, ce sont des pourcentages moyens sur l'ensemble des couches de l'atmosphère. Oui, alors, si on se focalise sur la troposphère, donc disons les 15 premiers kilomètres, les principales concentrations sont quand même assez homogènes. Donc, dit diazote, d'accord, 78%, dit oxygène, 21%. Après, il y a le CO2 autour de 400 ppm, donc c'est 0,05%, voilà, normalement, le dioxyde de carbone. Il y a l'argon à 0,93%, avant 1% oui, d'argon, oui, à peu près. Oui, il y a l'argon qui est un gaz neutre, effectivement, qui est le troisième que j'ai oublié. Et puis après, il y a d'autres choses, les méthanes et autres. Ce qui se passe, c'est qu'il faut bien distinguer ce qu'on appelle les gaz à longue durée de vie, comme justement ceux dont on vient de parler tout à l'heure, qui restent longtemps dans l'atmosphère, et eux sont assez bien mélangés, et donc du coup, ils sont assez homogènes. Alors, on mesure des différences, mais ils sont assez bien mélangés dans l'atmosphère, tandis que soit des gaz qui sont physiquement actifs, comme la vapeur d'eau qui peut se condenser, former les nuages, etc., soit chimiquement actifs, comme l'ozone ou plein de composés méthane ou autres, eux peuvent se transformer et donc avoir une composition qui varie, même si le méthane elle est assez homogène. Mais voilà, par exemple, l'ozone, il se forme et sa concentration est importante près de l'atmosphère en cas de pollution, j'allais dire, et puis après dans la stratosphère, ça c'est parce qu'il est très réactif. Pareil, après il y a plein d'autres composés minoritaires qui sont aussi OH ou autres, qui sont très actifs et qui dont la concentration varie avec l'atmosphère. Comment se fait-il, par exemple, Nathalie Duret, c'est une question de béotien que vous m'excuserez, comment se fait-il qu'on ne compte pas le H2O? Comment est-ce qu'on ne compte pas l'eau dans la composition de l'atmosphère? C'est parce que sa répartition est trop inégale? Est-ce que parce que dans les nuages elle est condensée, donc on ne la considère plus comme un gaz? Comment se fait-il que l'eau n'apparaisse pas, parce que l'eau est un gaz à effet de serre très puissant? L'eau est un gaz à effet de serre très puissant. Il est pris en compte dans tout ce qui est modèle climatique, etc. Mais on va dire que c'est l'effet de serre, dans ce cas-là, naturel. La concentration de... C'est un grand cycle, le cycle de la vapeur d'eau avec tout ce qui est évaporation des océans, condensation dans les nuages, précipitation, toute la partie hydrologique, etc. Mais il est vrai que cette vapeur d'eau, c'est l'un des composants majoritaires, mais on a des variations qui sont aussi pilotées par les paramètres physiques externes, c'est-à-dire la température, la pression, puisqu'il va changer de phase, on est dans les bonnes conditions pour former un nuage, on récupère après. C'est un gaz à effet de serre, il en fait partie, on a beaucoup d'études, mais là on va plutôt vers la météorologie. C'est ça. Voilà, sur tout ce qui est météorologie. Juste une chose, bien sûr. Par contre, dans la stratosphère, là, tout de suite, c'est vrai que c'est une espèce minoritaire, mais qui joue un rôle très important. Et on a des tas d'études pour continuer à mesurer les augmentations ou diminutions de vapeur d'eau dans la stratosphère. Alors, on va rester dans la troposphère encore. Hein. On dit que la limite de la troposphère, c'est environ 15 km, c'est ça? Voilà, 15 km d'acidité, c'est 15 km. Ça dépend, 15 au tropique et plutôt 10 vers les pôles. Vers les pôles, puisque voilà, la concentration en gaz de l'atmosphère n'est pas égale autour du globe, notamment en fonction... Oui, ou disons, c'est plutôt le profil de température. Hein. C'est le profil de température qui est différent. Qui est différent. Voilà. C'est dans cette troposphère que 80% de la masse de l'atmosphère est contenue, ce que vous me disiez tout à l'heure, Nathalie Huret. Oui. Et à l'intérieur de cette troposphère, on trouve aussi des sous-couches, des sous-catégories. On parle de la péplopause, qui serait la couche sale. Dites-moi un peu ce que c'est, Jean-Louis Dufresne, cette couche sale, là, vous le découvrez. la couche où se concentrent les plus grands nombres de particules en suspension, de polluants, de particules organiques. Peut-être la PBL ou autre, la couche limite, peut-être, c'est probablement ça que vous mentionnez. La couche limite, c'est effectivement les premiers, alors, c'est typiquement 2 km de l'atmosphère, ça peut aller plus dans les déserts, mais c'est les grandeurs typiques. Effectivement, c'est une zone qui est très influencée par ce qu'on appelle le cycle diurne, la variation, le fait qu'il fait plus chaud en la journée que la nuit. Et donc, c'est cette variation de température, typiquement de 10 degrés en surface, elle impacte les premiers, disons, 2-3 km de l'atmosphère. Et c'est là aussi où se fait le mélange. Effectivement, la pollution, mais aussi beaucoup la vapeur d'eau et tous les constituants, les aérosols, jouent beaucoup dans cette partie-là. Nathalie Huret. Moi, je rajouterais qu'en plus, cette couche limite planétaire, oui, c'est une couche qui est mélangée, qui est vraiment sujette aux modifications locales, à la pollution, etc. Et pour que les espèces chimiques puissent être transportées, ou les aérosols, il faut qu'ils montent au-dessus de cette couche, qu'ils atteignent des altitudes supérieures pour être pris dans la circulation atmosphérique à plus grande échelle, à l'échelle régionale, enfin grande région continentale, interhémisphérique. Donc il faut vraiment déjà passer au-dessus de cette couche. Et les polluants dans ces couches-là, c'est souvent des polluants aussi à courte durée de vie, avec beaucoup de mécanismes pour pouvoir créer des espèces qui vont être à même d'aller d'atteindre les couches supérieures. C'est-à-dire que finalement, on va parler d'aérosol au sens large du terme, toutes ces particules en suspension, on en reparlera, il y a beaucoup de vie là-dedans, il y a beaucoup aussi de micro-organismes. Finalement, les échanges se font pas, ils restent souvent bloqués sous cette couche limite de 2-3 km, ils ont du mal à la franchir, à la dépasser, Jean-Louis Dufresne. Oui, alors au-dessus de la couche limite, il y a ce qu'on appelle dans le jargon en général une inversion, hein, donc en fait une relative augmentation de la température, où l'air se mélange beaucoup moins. Et donc effectivement, hein, comme le disait Nathalie, voilà, il y a beaucoup de mélange en dessous. Et puis diurne. Et puis en fait, il y a uniquement dans quelques régions, par exemple un orage, par exemple, on le voit, il perce et il monte à plusieurs kilomètres. Donc alors il y a pas que les orages qui perchent, mais justement les régions où l'air monte vraiment au-dessus de la couche limite sont finalement concentrées géographiquement. Dans beaucoup d'endroits, en fait, l'air descend dans beaucoup d'endroits, remonte qu'en quelques endroits. Et donc là, le mélange avec la grande échelle se fait. Mais justement, il faut réussir à passer ce qu'on appelle la couche d'inhibition qui se trouve au-dessus de la couche limite. Et la couche limite, c'est essentiellement là où se fait le brassage. C'est là où, par exemple, la variation par exemple, de CO2 à cause de la respiration des plantes entre le jour et la nuit varie beaucoup. Voilà, plein de choses comme ça varient beaucoup dans les deux premiers kilomètres. Est-ce qu'on a par exemple une estimation? Alors, les phénomènes météorologiques, la plupart de la météo se déroule dans la troposphère, bien qu'on va voir qu'il y a des phénomènes d'ionisation qui se passent un peu plus haut, mais l'essentiel des phénomènes météo se passe dans cette zone-là. Est-ce que on a une notion? Parce que quand on parle tout à l'heure de 0,05% de concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, est-ce que la plupart de ce dioxyde de carbone se situe dans la troposphère ou est-ce qu'elle est vraiment répartie sur l'ensemble de l'atmosphère? Jean-Louis Dufresne. Disons, en termes de concentration relative, c'est assez homogène. D'accord. Donc du coup, à nouveau, 80% de la masse est en dessous et dans la troposphère, donc 80% du CO2, grosso modo, est dans la troposphère. Disons, en fraction relative, Au premier abord, c'est assez homogène. Assez homogène au sens, ça varie de plus ou moins 10% ou 5%. Voilà. Après, effectivement, il y en a plus dans certaines régions que d'autres, plus dans l'hémisphère d'été que, d'hiver que d'été, etc. Mais voilà, le CO2 est quand même un gaz qui est bien mélangé dans, dans l'ensemble. Alors après, au-dessus de 50 ou 100 km, je connais moins. D'accord. on va monter justement d'un étage. Passons à la couche supérieure, la stratosphère. Quelles sont les caractéristiques de cette couche, Nathalie Huret, la stratosphère? Alors la stratosphère, cette couche est, de par son nom, une couche stratifiée. C'est-à-dire il y a très peu d'échanges verticaux. Hein, comme on est nuages, à quelle hauteur? On est à quelle altitude? On est au-delà de 10 km au pôle Nord, au-delà de 19 au Tropique. Et jusqu'à? Et jusqu'à 40 km, 40, 42 km dans ces eaux-là. Et donc, cette couche est stratifiée, donc on a peu d'échanges verticaux. Contrairement à la troposphère, on a ces phénomènes de mélange. Et on a une circulation atmosphérique des vents très très différente de ce qui se passe dans la troposphère avec des mouvements avec du transfert de l'ordre de 3-4 ans entre ce qui arrive en région tropicale vers les pôles. C'est-à-dire que pour que les échanges se passent, pour que une molécule, une particule aille des tropiques aux pôles, il faut 3-4 ans dans la stratosphère. 3-4 ans, et surtout les espèces, par exemple chimiques, qui sont émises dans la troposphère, le plus court chemin pour aller dans la stratosphère, c'est d'arriver en région intertropicale, d'être mis à haute altitude, d'être transporté à haute altitude par la convection, par tous ces gros nuages en région tropicale, et de pouvoir entrer dans la stratosphère. Et après ça, on aura un grand cycle vers les pôles. Et donc, voilà. On peut peut-être rappeler juste à titre indicatif qu'un avion de ligne, ça vole à combien de kilomètres d'altitude? Ça vole à 8 kilomètres, c'est ça. Donc là, on est déjà au-dessus du vol des avions de ligne. On est dans un endroit où les avions simplement ne peuvent pas voler parce que la densité de l'air devient trop faible pour pouvoir envoyer des avions de ligne. Tout à fait. Les avions de ligne, en fait, quand on fait un long courrier, on est souvent... le plus souvent au-dessus des nuages, sauf si on va en région tropicale, puisque là, on peut avoir des nuages jusqu'à 17 km, 15-17. Voilà. Jean-Louis Dufresne ? Oui, c'est ça, oui. Je l'ai pas. Après, effectivement, il y a quelques avions de recherche ou militaires, je pense aussi, qui vont dans ces altitudes-là, mais là, les avions en ligne, effectivement, c'est d'ordre de 10 000 mètres. Un mot pour compléter les informations qu'on a sur cette stratosphère. Il y a des échanges, par exemple, inter-hémisphère dans la stratosphère ? Oui, beaucoup, oui. Et en fait, justement, moi, il y a même ce qu'on appelle l'équivalent de la cellule de Hadley sur Terre, elle reste ce qu'on appelle l'équateur tropical. L'équateur météorologique reste près des tropiques. Disons, la zone est plus chaude. Et donc, la circulation est relativement symétrique par rapport à l'équateur. Alors, c'est pas du tout le cas dans la stratosphère, où vraiment elle se promène complètement d'un hémisphère à l'autre suivant l'été, suivant la saison. Suivant la saison. Un mot aussi sur la stratosphère. C'est dans la stratosphère que se situe la fameuse couche d'ozone, Nathalie Huret. Oui, c'est là qu'on a la couche d'ozone qui nous protège du rayonnement UV, qui a un impact qui est vraiment très très importante pour la santé humaine en termes d'impact pour la santé. Ah, mais c'est-à-dire que sans couche d'ozone, il n'y aurait pas eu de vie sur Terre. On peut dire les choses assez clairement, tout aurait été grillé par les rayons ultraviolets avec peu ou prou. Oui, peu ou prou. Certainement. Oui, cette couche d'ozone, c'est vraiment une couche très très fine, très sensible, et c'est ce qu'on a vu là avec la découverte du trou dans la couche d'ozone au milieu des années 80, que cette couche qui était pourtant très très loin de nous pouvait être affectée par les activités humaines et par les émissions de gaz, les CFC, qui pouvaient potentiellement détruire cette ozone. Et surtout, ce qui est d'important sur l'ozone, c'est que même si ce sont principalement les pays de l'hémisphère nord qui ont émis ces espèces nocives pour l'ozone, destructrices d'ozone, on a retrouvé le trou dans la couche d'ozone pour la première fois sur l'Antarctique, émise sphère sud. Donc c'est la première fois qu'on s'est dit, l'homme peut avoir un impact à l'échelle globale sur son atmosphère. Et peut-être, puisqu'on en parle maintenant, on dit toujours, quand on parle du climat et de l'influence de l'homme, notamment sur l'atmosphère, que c'est une influence délétère. Or, manifestement, une étude vient de paraître pour montrer que la couche d'ozone, et on le dit depuis un certain nombre d'années, est effectivement en train de se reconstituer depuis l'interdiction internationale des CFC. C'est encourageant, ça va prendre encore un peu de temps. On parle d'une reconstitution complète à l'horizon 2050, Jean-Louis Dufresne. Je sais que Nathalie Huret est un peu moins optimiste sur ces questions-là, mais Jean-Louis Dufresne. Oui, effectivement, moi, il y a eu les accords de Montréal où il y a effectivement l'interdiction et le contrôle des émissions des CFC, etc. Donc ça a eu un effet bénéfique, alors qu'il a mis un certain temps à arriver à nouveau, parce qu'il y a des grandes constantes de temps. À la fois, il faut que les CFC, vu qu'ils mettent déjà un peu de temps à monter, puis après, il faut qu'ils soient mélangés dans la stratosphère, qu'ils arrivent jusqu'au pôle, etc. Donc c'est assez long. Et ils ne détruisent l'ozone qu'à un certain degré de température, de température suffisamment basse. Et en fait, c'est des gaz qui étaient très, très stable, hein. C'est pour ça qu'on les a utilisés. Du coup, leur même si on arrête de les mettre, ils restent longtemps dans l'atmosphère. Et donc, c'est pour ça que leur diminution est assez longue. Mais en tous les cas, il a arrêté de se creuser. Et voilà, il y a une reconstitution progressive de ça. C'est un des succès historiques, comme on dit, de l'environnement. C'est-à-dire que le problème était finalement assez bien posé et pour que, disons, une réglementation ait pu être élaborée et il y ait des accords qui puissent se mettre, un accord qui ait pu être établi et finalement et qu'il ait pu vraiment se passer quelque chose. Nathalie Huret, pourquoi est-ce que vous êtes moins optimiste ? C'est pas que je suis moins optimiste, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Louis. On connaît bien les mécanismes. C'est une success story en termes de mécanismes. Mais là, actuellement, on a, par exemple, en 2011, donc c'est très récent, on a eu le record de diminution d'ozone en région arctique. On n'avait jamais vu ça, avec en plus de ça une situation, on a un tourbillon au-dessus des pôles qui se forment pendant l'hiver, pendant les pôles, un tourbillon très stable, etc., qui a permis des conditions, extrêmes de diminution d'ozone. Donc actuellement, au niveau des mécanismes qui pilotent cette destruction d'ozone, on a forcément encore des incertitudes. On a remarqué aussi en travaillant un petit peu plus que tout ce qui était émission de méthane et N2O qui pouvait entrer également, qui entre dans la stratosphère aussi, pouvait N2O, soit... c'est du dioxyde d'azote, pardon. Non, dioxyde d'azote, c'est deux autres grands gaz à effet de serre pour la troposphère, mais pouvait impacter aussi le retour à la normale de la couche d'ozone et avoir et différer ce retour d'une dizaine d'années. Donc on est encore en train de travailler. On peut peut-être dire un mot là aussi rapide, parce que c'est un cycle intéressant de ce cycle de l'ozone, c'est-à-dire la transformation du dioxygène. L'ozone, faut rappeler que c'est O3, hein, c'est trois molécules d'oxygène, et que c'est un cycle continu qui est tout à fait à l'équilibre et qui permet de maintenir cette couche d'ozone grâce, si j'ai bien compris, en partie à l'ionisation du dioxygène à haute altitude. Oui, vous pouvez nous en dire un mot, Nathalie Huret? Oui, alors l'ozone est formé à partir de l'ionisation, la photochimie liée à l'oxygène, et donc deux molécules de dioxygène créent O plus O2. Et O plus O3. O plus O, oui. Et après, on a recombinaison. Et derrière ça, en fait, on a dans ces cycles, on a d'autres espèces qui interviennent. Et lorsqu'on met en place ces CFC ou même d'autres espèces chimiques comme les oxydes d'azote, on va capturer ces atomes d'oxygène libres qui vont empêcher la formation, la production. En fait, c'est un équilibre production-destruction en continu. Et donc d'autres espèces chimiques contribuent à rompre en fait cet équilibre. On va continuer à monter d'un étage, on va parler de la mésosphère, c'est l'endroit où quand vous voyez de belles étoiles filantes dans le ciel, Jean-Louis Dufresne, c'est parce qu'il y a un petit météoroïde qui est rentré, en général qui se désintègre dans la mésosphère. C'est l'endroit où on considère qu'est la limite de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire l'endroit où l'atmosphère commence à produire une résistance sur les corps qui y passent. Oui, alors là, je connais beaucoup moins. C'est, plus on s'élève, moins je connais. On va redescendre, ne vous inquiétez pas. Effectivement, oui, tout ce qui est à nouveau, moi, la disparition, la limite de l'atmosphère n'est pas effectivement ce que je disais tout à l'heure, n'est pas nette, et donc elle diminue progressivement. Et oui, les étoiles filantes, ou quand un corps ou quand un satellite rentre sur l'atmosphère, et la densité augmente petit à petit, et donc les corps qui traversent ces gaz s'échauffent, et donc, en général, ils rentrent, ils se mettent à brûler, et c'est ça qui fait les étoiles filantes. Nathalie, il y aurait un mot sur cette mésosphère. Qu'est-ce qu'on en sait? La mésopause, c'est le point le plus froid de l'atmosphère. C'est l'endroit où l'atmosphère atteint son point le plus froid, à moins 100 degrés Celsius. Oui. Oui, et puis après, on a une réaugmentation. Enfin, derrière ces couches-là, elles sont plus formées. Enfin, mésosphère, dans la mésosphère, il y a une partie de l'ionosphère. Elles sont formées aussi de particules ionisées. On les étudie. Alors, une manifestation aussi qu'on peut avoir de ces couches très hautes de l'atmosphère sont les aurores boréales, puisque là dans ce cas de figure, c'est avec une interaction avec le champ magnétique terrestre, donc on a un dipôle au niveau de la Terre, et donc on a un champ magnétique qui crée ce qu'on appelle les cornets polaires, et lorsqu'il y a des émissions provenant du Soleil, de particules chargées, elles vont précipiter, suivre les lignes de champ de ce champ magnétique, et elles vont interagir justement avec les molécules de la haute atmosphère, et ce qui va nous créer, par déexcitation de ces molécules, un rayonnement lumineux, ces aurores boréales. Donc elles sont très étudiées, elles sont étudiées ces couches-là via ces aurores boréales, mais également dans toutes ces couches, on a les phénomènes dont on peut parler, qui sont les événements lumineux transitoires de haute altitude. Alors c'est les sprites, les red sprites. On appelle ça les sylphes, je crois, ou les elfes. Les elfes, oui, voilà. Non, il y a les elfes. Enfin, il y en a. Il y a toute une nomenclature. Il y a toute une nomenclature. Effectivement, zoologie. On va prendre la zoologie, la terminologie britannique, parce que celle dont on se souvient, ça s'appelle les sprites. Mais on va vous renvoyer, parce qu'on avait consacré une émission entière aux orages et donc à ces phénomènes découverts il y a assez peu de temps, dont les sprites notamment, et les émissions de rayons gamma en haute atmosphère. On va mettre le lien sur le fil Facebook, mais dites-nous en un mot tout de même, Nathalie Huret, de ces événements qui sont assez qu'on a observés depuis très peu de temps, en fait. Oui, depuis les années 80, 90, c'est vrai qu'on les observe, mais c'est des événements très très rapides. C'est un peu comme des gros feux d'artifice rouges dans les couches dans lesquelles on est. Donc en très haute altitude. Et donc ils sont difficilement capturables. On a des relations un peu de cause à effet avec tout ce qui se passerait dans la partie troposphérique et la partie nuageuse et orages et événements aussi lumineux, des charges électriques dans les orages. Mais là, tout de suite, au niveau des mécanismes, on ne sait pas très bien comment c'est initié, pourquoi ça apparaît, etc. Et là, en 2018-2019, un satellite va être lancé du CNES. C'est la mission Taranis. Voilà, dont je suis dans le laboratoire qui est chef de mission du centre de mission de Taranis, ouais. Qui devrait nous permettre d'en apprendre plus sur ces effets de haute altitude des orages et ces différents rayonnements. Peut-être un mot, je le disais au tout début de l'émission, il y a cette zone qui a été appelé, alors sous forme de clin d'œil par un papier sorti fin août, je crois, oui, c'est ça, fin août, entre 40 et 100 kilomètres. Disons que finalement, il y a toute une distance entre 40 et 100 kilomètres qu'on appelle aujourd'hui l'ignirosphère, parce que c'est un endroit où on peut pas envoyer des avions, on peut pas envoyer des satellites. C'est un endroit qu'on a du mal à étudier. Ça vous fait rire, Nathalie Huret, cette ignirosphère? Ça vous agace un peu, peut-être? Vous avez le droit d'être agacée par cette terminologie. Alors, mes collègues de mon laboratoire qui travaillent sur les plasmas spatiaux, en particulier dans ces couches-là, ils travaillent beaucoup, ils développent des satellites. en particulier sur l'ionosphère. Il est vrai qu'on a des incertitudes encore, parce que ces interactions chimiques, parce qu'il y a des ions, tous les systèmes chimiques sont difficiles à la mesure. On peut avoir quelques mesures par une fusée, mais les fusées, elles passent très très vite dans ces couches-là, donc on n'a pas grand-chose. Cela dit, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ces couches-là, et même encore, par exemple, je pense à la mission Cluster aussi, qui avait envoyé tout un ensemble de petits satellites pour étudier cette magnétosphère et la dynamique, les mouvements dans la magnétosphère de toutes ces particules chargées, etc. Donc c'est des couches en effet difficilement accessibles à la mesure, mais on a besoin de les étudier mieux, mais on a quand même des choses. Jean-Louis Dufresne. Oui, si je peux compléter, ce qui se passe, c'est que aussi, comme il y a peu de nuages notamment, on peut vraiment regarder au travers, à l'horizontale, ils sont perpendiculairement à la Terre, et donc ce qu'on appelle des sondages au limbe, et ça permet en fait du coup d'avoir une bonne connaissance des profils verticaux via des mesures par satellite. Donc c'est par exemple, alors que dans le bas de l'atmosphère terrestre, on peut pas les faire ou très peu à cause du fait qu'il y ait des nuages, et donc du coup on peut pas faire ces visées au limbe. Donc voilà, là aussi d'autres avantages du fait que la Soleil est parfois très stratifiée, ses visées au limbe, on arrive à faire certains types de mesures de façon finalement assez précise. Et on va voir dans un instant précisément comment on fait quand on est au sol pour étudier les hautes couches de l'atmosphère. Above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly over the rainbow. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Over the Rainbow de Judy Garland, c'est là où nous nous trouvons, où nous allons jeter nos regards tout au long de cette heure, puisque nous parlons de l'atmosphère en compagnie de Nathalie Huret, qui est physico-chimiste, professeure à l'Université d'Orléans, chercheuse au laboratoire CNRS physique et chimie de l'environnement et de l'espace à Orléans, donc, et Jean-Louis Dufresne, qui est directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique et de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors, on l'a vu dans la première partie de cette émission, l'atmosphère est un système régi par des interactions qui sont très complexes, qui le rendent d'autant plus complexe à étudier, que ce soit depuis l'espace ou depuis le sol, on vient de le dire, mais qui dit complexe ne dit pas Lefrançois. Bonjour Mathieu Lefrançois. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes rendu sur le campus de l'école polytechnique pour comprendre comment donc on étudie l'atmosphère avec des instruments de pointe. Et avec toute la simplicité qui me caractérise, je suis donc allé au CIRTA, le site instrumental de recherche par télédétection atmosphérique. Il s'agit d'une plateforme multi-instrumentale dédiée à l'observation de l'atmosphère. Les données recueillies par ces instruments sont diffusées à l'ensemble de la communauté scientifique afin de tester, de valider et d'améliorer les modèles de dynamique atmosphérique. Sur place, j'ai rencontré Martial Afflin, son directeur. Il est également directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace qui gère et maintient ce site. Avec lui et son équipe, je suis allé faire le tour des installations. Je suis notamment allé observer un des instruments phares, le LIDAR, un instrument analogue au radar, mais qui fonctionne avec la lumière émise par un laser. L'observatoire CIRTA, l'observatoire atmosphérique CIRTA, réunit en fait un ensemble d'instruments que nous exploitons pour étudier les phénomènes physiques et chimiques dans l'atmosphère, pour décrire l'atmosphère et sur le long terme. Cet observatoire fonctionne depuis une quinzaine d'années. Nous avons recueilli des observations en continu pendant plus de 15 ans maintenant. Et également pour étudier très en détail des phénomènes physiques et chimiques qui ont une importance fondamentale pour la météorologie, pour la pollution de l'air, mais également pour l'évolution du climat. Quelles sont les principales difficultés quand on veut sonder l'atmosphère ? L'atmosphère est un milieu extrêmement complexe. Il y a des centaines, voire plus, de paramètres extrêmement importants qui jouent un rôle fondamental dans les processus atmosphériques. Et il faut être capable de sonder et de mesurer en fait tous ces phénomènes dans un volume qui est extrêmement important. Il s'agit d'utiliser des instruments très différents qui permettent d'appréhender, de comprendre les différents paramètres, mais également de les observer dans la durée. Au niveau de l'observatoire, on a de nombreux instruments qui sont tous avec des fonctionnements très différents. On a par exemple ce qu'on appelle les instruments in situ. C'est ceux en fait dont la mesure et le paramètre qui est mesuré est fait localement, là où l'instrument est installé. C'est le cas par exemple d'un thermomètre. On a aussi ensuite des instruments de télédétection. Là, on va séparer en fait la télédétection active, où l'instrument émet une onde électromagnétique qui est ensuite réfléchie, revient vers l'instrument et qui peut être analysée. Donc c'est le cas par exemple des LIDAR. Il y a une troisième catégorie qui est donc la télédétection passive, où là le capteur situé au sol reçoit des ondes électromagnétiques qui sont émises naturellement par soit par le soleil, soit des ondes électromagnétiques émises par l'atmosphère dans le domaine de l'infrarouge ou dans le domaine des micro-ondes. Et ça va nous permettre d'avoir des informations, par exemple, sur la température de l'atmosphère. On va s'intéresser à de nombreux phénomènes qui ont lieu dans l'atmosphère, aux gaz qui peuvent avoir des rôles, et directement au niveau de la composition atmosphérique et de la pollution atmosphérique, donc avec un impact possible sur la santé. Ces composés gazeux sont aussi des précurseurs pour former des particules plus grosses, qu'on appelle des aérosols. Ces aérosols sont eux-mêmes finalement des noyaux sur lesquels l'eau vient se condenser pour former les gouttes des nuages. Et ces nuages, en fait, sont très importants au niveau de la météorologie, hein, mais également l'évolution de ces nuages est très importante pour comprendre finalement l'évolution du climat, la manière dont les températures peuvent évoluer dans le futur. Les chercheurs de n'importe quel organisme, de n'importe quel pays dans le monde, en fait, peuvent se connecter à un site internet et ensuite recueillir ces fichiers pour travailler ensuite sur ces données dans leur laboratoire. Donc on est arrivé sur le CIRTA, sur l'observatoire CIRTA. L'observatoire lui-même est constitué de quelques structures de type container qui recueillent les systèmes de mesure. On va ensuite se rendre dans un container où se situe un LIDAR. Christophe Pietras, ingénieur de recherche, je suis en charge des activités autour du LIDAR aérosol nuage. Donc ici, nous sommes dans la salle d'acquisition et nous pouvons donc contrôler le laser. Donc le LIDAR est constitué de plusieurs éléments. Le principal, c'est donc un faisceau laser puissant qui est envoyé dans l'atmosphère. Ce qui se passe, c'est que les photons lumineux vont rencontrer des obstacles dans l'atmosphère. Ces obstacles sont des particules. On a les molécules d'air, on va avoir des particules émises par la combustion de fuel, par exemple, donc dans les voitures, dans le chauffage, les industries, et on peut avoir au-dessus aussi d'autres types de particules naturelles, c'est-à-dire ça peut être les pollens qui sont émis par la nature. Et lorsqu'il y a des événements exceptionnels, on va aussi regarder les particules, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi de la combustion naturelle, c'est-à-dire des feux de forêt qui vont être émis dans une source qui peut être très éloignée, les feux canadiens par exemple, les feux portugais. Ces particules de fumée vont être émises dans l'atmosphère et vont se transporter, et nous on va pouvoir caractériser ces couches qui arrivent jusqu'à la limite de la stratosphère, c'est-à-dire à 12 km. On va rentrer dans la salle où se trouve l'électronique d'émission et de réception du LIDAR. Donc ici, dans cette pièce, on retrouve en fait les trois éléments essentiels d'un LIDAR. Donc on a le laser qui est à un bout de la salle de manip. Les télescopes donc collectent les photons au cours du temps et renvoient ces photons dans des boîtiers optiques. Et l'objectif de ces détecteurs, c'est de convertir les photons en signal électrique. Pour pouvoir les compter. Pour pouvoir les compter, exactement. On peut mesurer jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres avec des lasers très puissants qui vont mesurer la stratosphère. Ici, nous nous limitons à la troposphère. Et sur ce système, précisément, on arrive à avoir une résolution de 15 mètres. C'est comme ça qu'on arrive à avoir précisément l'altitude des couches. La seule limitation du système, c'est si on a des nuages qui sont très denses, donc avec beaucoup de gouttelettes d'eau, par exemple, tous les photons lumineux vont être diffusés et n'arriveront pas à traverser le nuage. On va travailler beaucoup en fonction des conditions météorologiques, mais toutes les configurations où on aura un ciel dégagé, eh bien, on pourra faire des mesures et caractériser les particules qui sont à la verticale. Voilà un reportage du jour sur une des nombreuses méthodes d'étude de l'atmosphère et plutôt des couches basses de l'atmosphère. Une réaction, Jean-Louis Dufresne, puisque certains de vos collègues que vous venez d'entendre dans ce reportage. Oui, alors en France, effectivement, il y a quelques centres comme ça qui mettent des stations sol qui mesurent pas mal de grandeurs météorologiques et de composition de l'atmosphère dans les premiers kilomètres. Et c'est effectivement l'étude de l'atmosphère, du climat, et c'est vraiment une science naturelle. Et donc les stations comme ça au sol sont clés pour en fait mesurer notre et mieux connaître par l'observation notre objet d'étude. D'ailleurs, une réaction, est-ce que vous venez d'entendre? Oui, les stations sol sont vraiment cruciales, hein, parce que c'est le suivi, il y a de la mesure in situ, de la mesure à distance, on peut faire surtout des longues séries de données. Et actuellement, pour capturer en fait des indices sur le changement climatique, il faut absolument avoir de très longues séries de données pour réussir à extraire une information de ces données, parce que comme il le disait, il y a de la variabilité très locale avec des événements. Si on veut vraiment avoir des indices, il faut des données de longue durée. Et surtout, ces réseaux-là, tu le disais, il y en a plusieurs en France, il y en a un aussi à l'île de la Réunion, enfin, il y en a dans le sud, il y a l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence. Il y a aussi l'OPGC à Clermont-Ferrand, il y a Lille. Donc, c'est tout un réseau, mais c'est un réseau international aussi. Et c'est vraiment ça la plus-value, parce que toutes ces données vont permettre de faire des études de processus, mais également de contraindre les modèles, de fournir des données d'entrée pour les modèles de climat, les modèles de processus, et ainsi réussir à comprendre ce qui se passe. On entendait aussi autre chose d'intéressant, et dont on a parlé aussi dans cette fameuse émission sur les orages que je citais tout à l'heure. On parle des aérosols au sens large du terme pour parler donc de ces particules en suspension qui permettent aux gouttelettes d'eau de s'agréger, de former des cristaux puis des nuages. Une découverte relativement récente, Jean-Louis Dufresne, c'est que un certain nombre de ces aérosols sont en fait des micro-organismes vivants. Il y a des bactéries dans l'atmosphère qui arrivent à vivre malgré les conditions que l'on connaît de température, de pression. Oui, alors les aérosols, alors comme vous dites, il faut faire très attention au niveau du vocabulaire, parce que les aérosols, des fois, on pense au spray qu'on a à la maison. Donc, en météorologie, c'est vraiment des particules en suspension dans l'air. Alors, il y en a de tout type et de toute taille, à peu près. Effectivement, ça va de la taille de la bactérie à la poussière de quelques dixièmes de millimètre, donc quelques centaines de microns. Au pollen, qui sont aussi très fins, qui peuvent remonter très haut. Après, certaines particules polluantes également, aux particules fines émises par les moteurs, à combustion. À la suie. qu'on voit, le produit de feu. Bref, il y a énormément de choses. Effectivement, soit il y a une partie, il y a une bonne partie qui est naturelle. Il y a une partie aussi qui est liée aux activités humaines, à la combustion ou autres, ou réactions chimiques aussi qui peuvent faire apparaître les aérosols. Effectivement, quand un nuage se forme, il se forme quasiment toujours autour d'un aérosol. Et donc, cet aérosol est emprisonné dans la goutte d'eau. J'ai lu dans une étude que jusqu'à un quart des particules en suspension dans l'air seraient du matériel biologique. Ah oui, peut-être. Ça vous paraît une proportion raisonnable. Oui, ce qui est très difficile avec les particules, c'est que c'est extrêmement différent les ordres de grandeur si vous parlez en nombre ou en masse ou des choses comme ça. Parce que, effectivement, en nombre, les tout petits, il y en a beaucoup, mais en fait, ils ont eu très peu de masse. Et par exemple, en masse, c'est plutôt les aérosols désertiques qui sont les plus importants, parce qu'ils sont relativement gros, donc lourds. Je ne sais pas, faudrait définir comment il est compté. Oui, quel quart il s'agit, un quart de la quantité, un quart de la masse. Non, c'est pas de la masse en tous les cas, c'est un peu précieux. Oui, Nathalie Huret. C'est vrai qu'actuellement, il y a des études qui voient le jour de couplage entre des personnes qui travaillent sur les aérosols et la partie bactériologique, en particulier sur des campagnes de mesure de mémoire qui ont eu lieu en Afrique pour voir si on avait des épidémies ou le transport d'un virus par ces particules, etc. Donc c'est vrai que la communauté commence à regarder cette facette-là, ou tout au moins que l'aérosol serait potentiellement un vecteur pour tout ce qui est bactéries. Mais elle rentre aussi dans le cycle de nuages. Les nuages vont avoir l'effet de lessiver. C'est du lessivage par les nuages et donc de nettoyer l'atmosphère, on va dire. Donc c'est vrai que c'est complexe. Il y a une étude pareille qui date de la fin de l'été ou du début de l'automne qui pense que certaines bactéries peuvent résider dans l'atmosphère, un très faible nombre, mais s'y nourrissent et s'y reproduisent avec précisément une influence sur l'architecture des nuages, des surfaçants des nuages qui seraient produits par des êtres vivants. Ça a l'air de vous surprendre, Jean-Louis Dufresne. Non, c'est très beau. Mais oui, alors ce qu'il y a, c'est que bon, faut faire attention à ce genre de choses. Effectivement, il y a la part, disons, du sensationnel versus et du nouveau versus des choses plus robustes. Disons, les nuages, ils existent, je pense, indépendamment des bactéries. Par contre, effectivement, que les bactéries puissent venir s'y loger et puissent avoir au deuxième ordre un effet, oui, c'est peut-être. En tout cas, certaines bactéries qui auraient la capacité d'avoir un cycle reproductif en haute altitude. En haute altitude, dans la troposphère, donc pas très haut, mais en altitude. Mais probablement, les bactéries sont partout, donc disons, il n'y a pas de raison qu'elles n'y soient pas, en tous les cas. J'aimerais qu'on conclue, on termine cette émission, les quelques minutes qui nous restent, par parler évidemment du problème du dioxyde de carbone, puisqu'on vient de l'entendre, l'atmosphère est évolutive, c'est un ensemble d'interactions extrêmement complexes. Aujourd'hui, on l'a dit, c'était au tout début de cette émission, Nathalie Huret, la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère est la plus haute que la planète ait connue depuis plus de 3 millions d'années. On dit entre 3 et 5 millions d'années. À l'époque, la température de la Terre était 3 à 5 degrés plus importante. Les mers étaient, le niveau des océans était aussi beaucoup plus élevé. Comment est-ce qu'une concentration, et on le disait, c'est 0,05%, une concentration aussi faible peut avoir des répercussions aussi grandes sur l'ensemble d'un mécanisme aussi complexe qu'est l'atmosphère terrestre? Alors, ces molécules, ça vient de leurs propriétés. Elles ont la propriété de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de bloquer le rayonnement infrarouge émis par la Terre, c'est-à-dire dans les interactions rayonnement-matière, on va dire, si on a à peu près l'objet à la même taille que la longueur d'onde du rayonnement, on va avoir réflexion, comme une vague contre un gros caillou, classiquement. Et là, ces molécules-là, même s'il y en a très peu, elles vont bloquer ce rayonnement. Et donc, elles vont engendrer cette réflexion du rayonnement infrarouge, et c'est un effet de serre. Exactement, on l'appelle effet de serre, enfin, comme pour cultiver des tomates en hiver, quoi. Nous... Jean-Louis, Dufresne. Mais si vous voulez prendre un exemple de la vie de tous les jours, si vous prenez par exemple un récipient d'eau et vous mettez quelques gouttes d'encre de Chine, et ben vous verrez que tout de suite ça devient coloré. La diffusion. Or, ça se voit quoi. Et en termes de quantité, c'est une goutte par rapport à un litre. Donc disons c'est la quantité, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses dans la vie courante qui fait qu'une très petite quantité peut avoir des fois des grands effets. C'était juste pour illustrer. Alors effectivement, le CO2, mais pas que lui. Les CFC, par exemple, ont effectivement un effet sur l'ozone, ou aussi un effet de serre très important. Et à nouveau, c'est des concentrations de parties par million. C'est la quantité et la propriété intrinsèque qui est importante. Et en l'occurrence, le CO2 et la vapeur d'eau, et on a dit le méthane et autres, on absorbe beaucoup de rayonnement dans l'infrarouge. Et donc provoque ce réchauffement. Peut-être ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le contrairement au cycle de l'hydrogène et du cycle de l'eau, qui est un cycle qui devient atmosphérique et que vous avez décrit tout à l'heure, Nathalie Huret, le cycle du carbone, c'est pas du tout un cycle atmosphérique, c'est un cycle de séquestration, c'est-à-dire que le carbone de l'atmosphère, il est coincé, il est séquestré par le vivant, par les plantes, dans les sédiments. Il n'a pas vocation à rester dans l'atmosphère. Nathalie Huret. Oui, il n'a pas vocation à rester dans l'atmosphère. Et surtout, actuellement, en fait, on va relâcher toutes ces carbones qui étaient réellement capturés, qui étaient à l'intérieur de la planète. On pense à tous les produits pétroliers, etc. On les relâche dans l'atmosphère alors qu'ils ont été vraiment séquestrés. Et là, c'est un grand cycle biogéochimique. Mais derrière, on extrait ces gaz et on les relâche dans l'atmosphère. Donc on rentre pas. C'est vraiment un forçage. On en ajoute. Et ce qu'il faut que l'on comprenne aussi, et ce dont on est en train de se rendre compte via la COP23, etc., c'est que quand bien même on arrêterait aujourd'hui de produire du dioxyde de carbone ou des gaz à effet de serre, l'atmosphère a un effet retard. Il y a une inertie dans ces cycles de carbone dans l'atmosphère, Jean-Louis Dufresne, qui font que quoi qu'il arrive, l'atmosphère va continuer à se réchauffer, même si on arrêtait comme ça du jour au lendemain, par un claquement de doigts, à produire toute forme de gaz à effet de serre. Oui, alors il y a plusieurs constantes de temps, il y a plusieurs origines. La première, effectivement, c'est que quand vous stabilisez les émissions, si vous arrêtez, aujourd'hui elles continuent d'augmenter, mais si on les stabilise, ça ne veut pas dire qu'on stabilise la concentration. Parce que si on stabilise les émissions, là, la concentration de CO2 continue à augmenter. En fait, pour stabiliser la concentration, il faut diminuer les émissions. Et puis, même effectivement, après, quand la concentration de gaz à effet de serre est stabilisée, il faut qu'un nouvel équilibre soit atteint, dans la mesure où il est différent de celui qu'il y avait il y a un siècle. Et ça, effectivement, ça prend encore quelques dizaines d'années. Donc, le système à la fois de conversion, j'allais dire, émission-concentration, puis après l'inertie thermique du système climatique fait qu'il y a effectivement plusieurs dizaines d'années avant que ou centaines d'années, voire plus gros, plus longtemps ensuite, pour que ça s'ajuste. Pour que cet effet de serre diminue. Un dernier mot sur ces gaz à effet de serre. On parle beaucoup du dioxyde de carbone, on parle aussi du méthane. Le méthane, on en produit beaucoup moins, mais en revanche, il a, Nathalie Huret, un effet de serre beaucoup plus fort et beaucoup plus persistant et beaucoup plus long que le dioxyde de carbone. Oui, le méthane et le protoxyde d'azote, N2O, ces deux gaz-là, ils ont un pouvoir radiatif beaucoup plus important que le CO2. Et derrière ça, il y en a d'autres. Tu citais les CFC, ils ont été émis en concentration. Il y en a 1000 fois moins que du CO2, même 10 000 fois moins. Il y en a vraiment très, très peu. Et derrière, ils ont un effet très important. Et c'est vrai qu'en fonction du type de molécules qu'on émet, elles ont chacune leurs propriétés et elles sont plus ou moins réactives selon les couches de l'atmosphère. Donc c'est difficile à appréhender. Et surtout, c'est que tout ça va se combiner et il faut voir aussi que notre planète réagit également au forçage climatique. Par exemple, si je cite un exemple sur les tourbières, les tourbières, elles capturent ces gaz à effet de serre, méthane, N2O. Si les tourbières s'assèchent, liés à l'augmentation de la température, on va plus avoir ce phénomène de capture. Si la Sibérie, si on le pergélisol, oui, voilà, c'est ça, etc. On sait que le pergélisol. Et on rentre aussi, en fait dans des mécanismes un peu boule de neige, quoi, non linéaire, boule de neige. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. Merci Jean-Louis Dufresne, merci Nathalie Huret. Allez, si un mot rapidement quand même, je l'avais promis au début de l'émission. Pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Pourquoi est-ce qu'elle est bleue cette atmosphère? Alors, je vais faire une réponse pour Jean-Louis. Le ciel est bleu, il peut être rouge au coucher de soleil. C'est ça. Il peut être noir et il peut être blanc. C'est les interactions rayonnement particules atmosphériques. Et la diffusion des longueurs d'onde de la lumière. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Il y avait Étienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Mathieu Lefrançois, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Victoria Asper à la technique, Raphaël Bézikian au droit d'auteur.